Chapitre 45e. Mon cher Demian, ce n'est pas à toi que j'écris, mais à ton frère. Car dans ta réponse, tu n'avais oublié qu'un point. C'était de m'indiquer votre future adresse. Victor est un homme pratique, heureusement. Fais-moi le plaisir de me dire comment j'aurais continué la correspondance s'il n'avait pas eu l'idée lumineuse de m'écrire une seconde fois dès votre arrivée à Piatigorsk. Mais avant tout, permets-moi de te féliciter du prodigieux hasard qui t'a conduit dans ces régions fortunées, au pied des plus belles montagnes du monde, et au pied de la plus belle princesse de l'univers. Là, calme-toi, je n'en dirai pas plus long. Tu as déjà une fois voulu me dévorer à propos de cette grande et honnête dame. La leçon me sera profitable. Parlons plutôt de moi. Le moi est un sujet inépuisable et charmant. Figure-toi, mon ami Victor, c'est à Victor seul que je m'adresse. Figure-toi que ma situation n'a pas changé d'un iota depuis ma dernière lettre. Me voilà passé chien de faïence à perpétuité, car il n'y a aucune raison pour que cela finisse au contraire. Mademoiselle Mouza, la muse, fait preuve d'une fermeté de caractère véritablement admirable. Son mutisme absolu finit par m'inspirer du respect, et je n'aurai jamais le courage de rompre le premier un silence aussi digne. Les sauvages sont décidément très supérieurs à nous autres gens civilisés, qui nous croyons grands philosophes pour égrener du matin au soir un long chapelet de phrases creuses comme des perles de verre. Mais, oh Victor, quel service tu m'as rendu! Sans toi, je serais mort d'un flux de paroles rentrées. Pendant ces 15 derniers jours, j'ai eu le temps de parcourir mon domaine. Il est vaste, mon domaine. J'ai attrapé une courbature à vouloir en faire le tour à pied, mais qu'il est beau. Je l'aime comme si j'avais passé une longue vie antérieure. Ma modeste maison est assez grande pour que l'on puisse vous y loger tous, y compris les dames qui vous accompagnent, et qui me feront peut-être l'insigne honneur de venir ici avec vous. Elle est en briques rouges. Le revêtement de plâtre blanc qui la gâtait jadis est tombé par plaques, et le peu qui en reste a pris des teintes grises superbes. Dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, le plancher de terre battue est dur comme la pierre, et Mouza y répand tous les matins du foin, c'est-à-dire des brins d'herbes aromatiques de la steppe, dont l'odeur délicieuse me grise quelquefois. Derrière la maison, un jardin de cerisiers où chantent les rossignols. Tout autour, un rideau d'arbres, luxe précieux dans le pays, et autour de ces arbres, la steppe, la grande steppe qui s'étend de tous côtés jusqu'à l'horizon comme une table ronde où le couvert ne serait pas encore mis. Voilà, en trois mots, le nouvel univers où je vis heureux, où je mourrai peut-être, si Mouza ne m'en chasse pas silencieusement. J'ai oublié de vous dire que dans un repli de terrain, à 3 ou 4 verstes de mon domaine, se cache un tout petit village aux maisonnettes blanches. Ce village a des habitants. Ces habitants ont des enfants et des chiens très hargneux. La guerre est un phénomène naturel, comme la pluie. Elle naît de peu de choses, elle naîtrait de rien du tout, plutôt que de ne pas exister. Le seul moyen de la détruire serait de n'avoir pas de voisins. La Grèce partit en guerre contre les Troyens à propos d'une femme. Moi, j'ai eu maille à partir avec les enfants du village à propos d'un crapaud. Voici comme. L'autre jour, l'autre soir pour mieux dire, car le soleil venait de se coucher, j'étais allé faire ma sieste en plein air, loin de la maison, pour épargner à mes oreilles l'impitoyable silence de la petite Mouza. Vous ne pourriez pas imaginer, sans l'avoir entendu, quel bruit font les insectes de la steppe quand le soleil va se coucher qu'on est étendu dans l'herbe. C'est un vacarme assourdissant. On dirait que les trompettes de Jéricho se sont mises à sonner tout à la fois. Ah, notre gogol est un grand poète. Il a entendu et compris la musique de la steppe. Son Taras Bulba ne pouvait être l'œuvre que d'un petit Russien. Mais il n'aime pas assez le crapaud. Connaissez-vous, mes amis, une chanson plus mélodieuse que la chanson du crapaud? Elle n'a qu'une note, cette chanson, mais une note exquise, que j'étais incapable d'apprécier pendant mon cours de droit, et que l'art du luthier m'a rendu digne de comprendre. Cette note mélancolique me fait l'effet d'appartenir à une gamme mineure. Pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Demian me l'expliquera peut-être. Elle est d'un timbre pur, non pas argentin, mais cristallin, comme le son du pic sur un bloc de granit que l'on taille, ou comme certaines notes harmoniques légèrement détachées sur la grosse corde d'un violon. Quand la voix du crapaud s'élève dans l'air calme du soir, je n'ai qu'à fermer les yeux pour me sentir transporté dans le royaume de la reine Mab, où l'on ne trouve ni chien hargneux, ni enfant turbulent, ni petite fille muette. Donc, l'autre soir, j'achevais ma sieste en me frottant les yeux, lorsque j'entendis, non loin de moi, quelque chose comme le gloussement d'un troupeau de dindons. Les aboiements d'un gros chien faisaient la basse dans ce concert harmonieux. Je tourne la tête et je vois Moussa, en silhouette grise sur le ciel clair, le bras levé, menaçant de son bâton trois ou quatre gamins déguenillés et un chien de belle taille. J'accours en toute hâte pour savoir de quoi il s'agit, et j'entends le dialogue suivant. « Vous n'y toucherez pas, entendez-vous ?»« Ah ça, es-tu folle ?» répliqua le plus grand des garçons. « Folle ou pas folle, je vous dis que vous n'y toucherez pas. »« Nous y toucherons !»« Essaye un peu pour voir !» s'écria la petite Amazone. Elle était jolie comme un cœur, avec ses sourcils froncés et ses cheveux au vent. « Mais les crapauds sont à tout le monde, le bon Dieu les a faits pour ça. »« Le bon Dieu les a faits pour que vous les laissiez tranquilles. » Je ne veux pas que vous leur fassiez de mal. Et d'abord, celui-là est sur mes terres. » Elle disait « mes terres » avec un accent de conviction qui me fit frémir. En ce moment, j'arrivais sur le théâtre de la lutte et j'aperçus derrière les talons de cette drôle de fille un crapaud d'assez belle venue qui devait avoir déjà reçu quelque orion car il restait là, immobile, étourdi. Sans attendre d'autres explications, je ramassai une grosse motte de terre et je la lançai au chien qui aboyait décidément de trop près. Il la reçut en plein museau et recula en hurlant. Pour achever mon œuvre, je saisis le bâton de Moussa, ce que voyant les garçons s'enfuirent, non sans me jeter quelques injures cosaques, une sorte d'injure qui n'est pas à l'eau de rose, je vous en réponds. Moussa me regardait fixement, d'un air moitié content, moitié vexé. Elle aurait peut-être mieux aimé se tirer d'affaire toute seule. Sans dire mot, elle tendit la main en regardant son bâton d'un air qui voulait dire « Rendez-le-moi tout de suite. » Je le lui rendis machinalement. Cependant, le crapaud avait repris ses sens. Il s'éloignait par bonds inégaux. Elle s'assura qu'il n'avait plus besoin de secours et partit brusquement vers la maison. Vous vous imaginez peut-être qu'après une pareille équipée, la paix a dû être signée entre nous. Pas le moins du monde. Nos déjeuners et nos dîners sont toujours aussi silencieux. Elle m'a permis une ou deux fois de lui verser à boire, voilà tout. Quel dommage que cette drôle de petite fille ait pris de travers mon arrivée dans ses terres. Vous savez, mes amis, que j'ai la bosse du professorat. J'ai enseigné la philosophie à Demian, l'art du luthier à Victor. J'aurais enseigné à Moussa tout ce qu'une femme intelligente doit savoir, en commençant par lui apprendre ce que le maître d'école enseigne aux petites filles. Mais que voulez-vous? Elle est trop grande. Elle a l'air d'une petite femme et par moments d'une petite impératrice. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je me sens petit garçon à côté d'elle. Il faudra pourtant que cela finisse. La situation ne peut pas durer toujours. Me voilà parvenu à l'âge où l'on se marie. Et comment amener ma femme dans une maison hantée par ce lutin bizarre? C'est à se casser la tête contre les murs. En voilà assez pour aujourd'hui. Si ma lettre vous paraît longue, souvenez-vous que je n'ai personne à qui parler et écrivez-moi bien vite. Votre ami André Ladoff. P.S. Elle m'a parlé. Je venais de nettoyer mon fusil et je sortais quand elle m'a arrêté sur le seuil. Où allez-vous? Je vais chasser. Chasser quoi? Les oiseaux parbleu. Je ne veux pas qu'on tue les petits oiseaux. Ah, par exemple, c'est un peu fort, me suis-je écrié. Alors, me répond cette étonnante fille, pourquoi avez-vous empêché ces enfants de tuer le crapaud? Ne trouvant rien à répliquer, je suis rentré, j'ai déchargé mon fusil et je l'ai déposé dans un coin. Je voudrais bien savoir ce qu'elle me défendra la prochaine fois. Accourez à mon secours avec vos dames, elles viendront peut-être à bout de l'emmener.